Si on en croit les poètes, une super méga catastrophe, ça vous transforme un bonhomme. Si tu perds la femme que tu aimes ou tes jambes, tout à coup tu découvres une sorte de beauté dans les tréfonds de ton âme. En vérité, c'est faux. Après une super méga cata, tu ne fais que devenir encore plus la personne que tu étais déjà. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je déçois toujours, j'allume la mèche. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je déçois toujours, j'allume la mèche. Mon cœur est blessé, meurtri, froissé. Meurtri, froissé. C'est un caillou d'un rarity. Ton odeur effacée, partie classée. Partie classée. C'est la bataille et je suis sorti. Mauvais gars, un peu renégat. Si y'a drap, t'inquiète, j'ai les gars. Si t'as les bras, on gérera les drames. Une baston s'accorde dans le drap. Moi j'ai des larmes quand je pense à papa. J'tape des pas, mais en vrai ça ne va pas. Y'a des choses qui font mal, donc on ne ressent pas. J'pourrais devenir Batman et viser dans le tas. T'étais ma vie et j't'ai méprisé. J'ai quitté l'Olympe pour les Champs-Élysées. J'te vois la nuit quand je ferme les yeux. Petite pute déguisée. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. J'déçois toujours, j'allume la mèche. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. J'déçois toujours, j'allume la mèche. ADESIOP, je presse la touche délai, efface le bon, le mauvais en contemplant la voûte céleste. Fais-moi une page, je vais la saisir, pas parler c'est réfléchir. Triste à dire, les gens qui m'aiment, je les fais fuir. Rire et châtiment, je suis comme salive, c'est dur d'y croire. Plus de sentiments, je garde mes larmes pour la victoire. Mes démons veulent un feat, mais l'avenir me fait un signe. Tu aurais cru que ça serait ainsi, mon horizon s'est éclairci. Si nos liens sont privés, c'est que mes textes sont trop intimes. Faut l'oublier, le passé un traumatisme. Fidèle à la musique, je me suis mis l'amour à dos. Oh. J'entends je t'aime dans un écho. Je vais pas vesquer le virage, ouais je sais qu'ils m'attendent tous. C'est le naufrage, touche la grande ours au bord du gouffre. Lâche le volant, voiture bélier, tournant décisif. Mes émotions dans le précipice. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je déçois toujours, j'allume la mèche. On vit pas d'amour